Nous allons donc engager les travaux de la première table. Quel droit pour les changements climatiques? Le droit international, évidemment. Évidemment, en ce sens que le problème étant global, c'est d'abord au droit international de s'y intéresser. Peut-être pas d'abord, mais en tout cas, c'est au droit international de s'y intéresser. Mais de manière à ce qu'il puisse se dégager des solutions qui concernent tous les États, au moins une grande partie d'entre eux, parce que sans une action d'une grande partie des États, on ne résoudra pas le problème des changements climatiques. Mais en même temps, le droit international n'a jamais été confronté à un tel problème, du moins à un problème qui est si large. Sans doute, les questions du droit de la sécurité internationale, les questions du droit de la guerre ne sont pas des petits problèmes, mais concernent des situations qui sont généralement localisées. Là, il n'y a pas de localisation. Le phénomène a des implications qui touchent tous les aspects de la société. Le droit international doit donc appréhender un phénomène massif, dont les effets sont massifs. Et pour cela, il n'a guère que les outils qu'il connaît, c'est-à-dire la négociation internationale, se mettre d'accord, et se mettre d'accord quand les questions sont si diverses, ça relève presque d'un défi fou. Les États le font, l'ont fait, mais il a fallu qu'ils adaptent les moyens de le faire, les moyens de la négociation, et surtout les instruments juridiques. Le contenu des instruments juridiques, prévoir des modes d'engagement qui puissent permettre un engagement large, c'est ce thème que Sandrine Magin-Dubois va traiter d'abord, prévoir des engagements qui puissent évoluer dans le temps, les connaissances scientifiques étant évolutives, il faut prévoir de la flexibilité, ce qui n'est pas une chose si facile en droit international. C'est Marion Lemoine qui va nous en parler. Et puis on terminera avec les réseaux transgouvernementaux de lutte contre les changements climatiques qui renvoient d'une manière ou d'une autre à la coopération internationale. Alors sans tarder, je passe la parole à Sandrine Magin-Dubois pour une communication sur l'accord de Paris ou le renouvellement des formes d'engagement de l'État. Bonjour à tous. Ça marche. Bonjour à tous. Avant de commencer, je voudrais remercier chaleureusement les organisatrices du colloque de m'y avoir invité et pour l'accueil, très, très chaleureux également. Donc effectivement, je vais parler du renouvellement des formes d'engagement de l'État que peut représenter l'accord de Paris. Donc c'est surtout, vous allez voir, un questionnement de ce point de vue plutôt que des idées forcément très arrêtées. Donc, comme l'a dit Yann, c'est vrai que c'est un sujet délicat. Donc, les négociations internationales sur le climat, sur un régime post-2012 et post-2020, elles ont été, pour le post-2012, lancées en 2005 dans le cadre du protocole de Kyoto, relancées en 2007 dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et finalement relancée à Durban en 2011 après le semi-échec ou la semi-réussite qu'a représenté l'accord de Copenhague. Donc l'accord de Paris est le résultat de ce round de négociations qui a duré de nombreuses années. Les négociations lancées en 2011 à Durban laissaient ouverte la question de la forme juridique de l'accord adopté lors de la COP21. Il s'agissait, nous dit la feuille de route, d'élaborer au titre de la convention un protocole, un autre instrument juridique ou un texte convenu d'un commun accord ayant valeur juridique applicable à toutes les parties. Une formule de compromis un peu ambiguë, ce qui a facilité le compromis. Et finalement, on s'est retrouvé assez vite dans un débat qui a opposé finalement les partisans d'une forme conventionnelle, un traité. Donc ça aurait pu être la révision de la Convention cadre des Nations Unies de 1992, ça aurait pu être l'adoption d'un nouveau protocole à la Convention cadre, à ceux qui défendaient plutôt un accord non juridiquement obligatoire qui aurait pris la forme d'une résolution, une décision de la conférence des parties ou de plusieurs décisions de la conférence des parties. Donc la forme juridique, c'était un premier enjeu s'agissant de l'engagement de l'État. Et finalement, on va le voir, c'est une forme syncrétique, une proposition syncrétique finalement, qui a gagné, puisque c'est une forme qui combine le traité et la décision de la COP et qui essaie de combiner les avantages et les inconvénients de ces deux formes juridiques d'engagement. Le deuxième enjeu, il était important aussi, c'était la forme et la portée des contributions nationales. De ce point de vue, il me semble que l'accord de Paris reflète effectivement un certain renouvellement, une certaine évolution des formes d'engagement de l'État, qui vers des formes probablement plus assez subtiles et finalement assez raffinées. Donc mon intervention va s'articuler autour de deux parties. Donc, dans la première partie, on va voir comment cet engagement finalement représente une subtile combinaison de droit dur et de droit mou. Et dans une seconde partie, une subtile combinaison entre des approches ascendantes qui viennent des États et des approches descendantes, plutôt de collaboration par le haut. Donc tout d'abord, une subtile combinaison entre le droit dur et le droit mou. Donc tout d'abord, le choix qui a été fait, je le disais en introduction, c'est le choix d'une forme duale, un traité et une décision de la COP. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a un accord de Paris au sens large, sans majuscule, qui est composé de l'accord de Paris au sens strict, avec cette fois une majuscule, le traité, et d'une décision de la conférence des parties. C'est une décision de la conférence des parties qui adopte le traité, qui est situé en annexe de la décision de la COP. La décision joue un rôle important. La décision, elle prépare l'entrée en vigueur de l'accord et également, elle vient compléter et préciser l'accord sur un certain nombre de points. Donc, il ne faut pas lire l'un sans l'autre. C'est vraiment un ensemble de deux éléments étroitement liés et étroitement dépendants l'un de l'autre. Donc, c'est cet accord de Paris avec une majuscule, c'est un traité. On s'est demandé si c'était un protocole à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de 1992. C'est une question qui reste ouverte, mais qui finalement est assez théorique. C'est vrai qu'un certain nombre d'États ne voulaient pas qu'on parle de protocole parce qu'ils trouvaient que ça rappelait trop le protocole de Kyoto, qui pour certains est de sinistre mémoire. Donc il ne fallait surtout pas appeler l'accord protocole. Donc il s'appelle Accord de Paris, tout en s'appelant Accord de Paris, il pourrait très bien être formellement un protocole. La convention cadre laisse ouverte une autre possibilité, mais en réalité, je crois que le débat est très théorique, pas vraiment d'enjeu. Dans tous les cas, l'accord de Paris, même si on ne considère pas qu'il est un protocole à la convention cadre, il est bien là pour compléter la convention cadre, la prolonger, il utilise ses institutions, donc il y a une vraie parenté entre la convention et le protocole. La deuxième petite nuance, c'est que l'accord de Paris est un traité, mais pas un treaty au sens du droit américain, ce qui a permis aux États-Unis, finalement, au président américain, de pouvoir engager les États-Unis sans consulter son Congrès. Et pour que cet accord de Paris puisse ne pas être considéré comme un treaty, mais comme un executive agreement au sens du droit américain, il a fallu respecter un certain nombre de conditions qu'avaient mises les États-Unis. Et donc, on a vu dans cette négociation, finalement, les exigences du droit constitutionnel américain formater l'accord de Paris. C'est une forme juridique qui me semble subtile, puisque finalement on vient combiner deux éléments. Donc les avantages et les inconvénients, on essaie de maximiser finalement, pour parler comme un économiste, les avantages et les inconvénients des deux formes juridiques en les combinant. Et c'est une forme juridique qui est plus, qui s'est avérée plus séduisante pour les États, probablement plus, plus acceptable. Et on a vu pendant l'année qui a précédé l'adoption de l'accord de Paris et l'organisation de la COP21, on a vu les États discuter de la ventilation des dispositions entre la décision et l'accord, ce qu'il fallait mettre dans l'un et dans l'autre. Ça a été un point important des négociations. Donc je vais donner juste un exemple. L'exemple des financements climatiques. Sur la question des financements climatiques, si on se tourne vers l'accord, on voit que l'accord prévoit, c'est son article 9, que les pays développés fournissent des ressources financières pour venir en aide aux pays en développement partie. Il est prévu aussi que cette mobilisation de moyens de financement de l'action climatique devrait représenter une progression par rapport aux efforts antérieurs. Donc on voit qu'il y a ici des formules sur les financements, qui sont des formules, somme toute, assez vagues, des engagements qui ne sont pas chiffrés. Il n'est pas précisé, par exemple, à quoi correspondent les efforts antérieurs, à partir desquels il faut progresser. Donc sur ce point, comme sur bien d'autres points, il faut lire l'accord de Paris avec la décision, et c'est la décision qui finalement contient des chiffres, par exemple, à son paragraphe 54, qui nous dit qu'avant 2025, la conférence des parties, agissant comme réunion des parties à l'accord de Paris, fixe un nouvel objectif chiffré collectif à partir d'un niveau plancher de 100 milliards de dollars par an, en tenant compte des besoins et des priorités des pays en développement. Voilà, donc je pourrais multiplier les exemples sur beaucoup de points, c'est comme ça, l'accord et la décision sont vraiment liés. S'agissant de la question de l'applicabilité aux parties, donc ce qu'on peut noter, c'est que là aussi il y a une combinaison des avantages et des inconvénients finalement des deux formes. La décision de la COP, c'est une décision qui est d'effet immédiat, hein, à peine adoptée grâce au petit marteau vert qu'on voit ici. Photo, à peine adoptée, elle est d'effet immédiat. Alors que les conditions d'entrée en vigueur du traité sont rigoureuses, pour qu'il entre en vigueur, il fallait qu'il soit ratifié par 55 parties représentant 55% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc, pour mémoire, pour le protocole de Kyoto, cela avait mis 8 ans, et pour l'accord de Paris, cela a mis moins d'un an. Donc il y a d'abord eu une cérémonie de signature qui a été organisée à Paris, à New York au mois d'avril, durant laquelle il y a eu des signatures massives de l'accord de Paris, et l'accord a réuni les conditions pour entrer en vigueur le 4 novembre 2016. À ce jour, il compte 141 parties, donc c'est dire que c'est, de ce point de vue, un grand succès. Donc la décision de la COP, elle est applicable à toutes les parties à la CNUC, puisque c'est une décision de la conférence des parties à la CNUC, et elle est applicable donc dès son adoption le 12 décembre 2015. L'accord de Paris, lui, il crée des situations un peu différentes. Actuellement, donc je disais, il y a 141 parties, mais il y a eu 194 signataires, donc il y a 53 parties qui sont signataires sans être encore formellement parties à l'accord. Et il y a également 3 États qui sont partis à la CNUC qui ne sont pas signataires de l'accord de Paris. S'agissant de la portée, donc entre les deux formes juridiques, on voit qu'il y a des portées différentes et complémentaires. La portée des décisions de la COP, c'est une portée qui est discutée. Je pourrais passer de longues heures en discuter. Elles ont un minima, elles doivent être examinées de bonne foi par les pays qui l'ont adopté. Donc l'adoption se fait par consensus. Elles ont une valeur permissive, elles autorisent au moins. Elles ont aussi une valeur interprétative. Et à certains égards aussi une valeur décisionnelle. Si je regarde, j'ai compté les alinéas de la décision dans lesquels la COP décide, ça concerne 50 alinéas sur 140. Donc elle décide avec une décision qui est à la fois autonormative, elle décide pour elle-même, ou hétéronormative, elle décide pour les États. Elle décide pour elle-même quand, par exemple, elle crée un groupe de travail, elle décide d'un certain calendrier, mais elle décide aussi pour les États quand elle précise les lignes directrices que, auxquelles devront se conformer les États quand ils rendent des rapports, etc. S'agissant du traité, le traité a une portée obligatoire, donc a priori c'est solide, mais par son contenu, on voit bien que l'accord de Paris contient beaucoup d'obligations qui sont en réalité des obligations assez vagues, assez générales, beaucoup d'obligations procédurales, peu d'obligations véritablement substantielles, donc on peut dire beaucoup d'obligations aussi qui ne sont pas, qui sont des obligations collectives, qui ne sont pas individualisées. Donc on peut dire qu'il a un contenu qui est en partie soft. Donc de ce point de vue, bon, on connaît bien en droit international de l'environnement, pas seulement en droit international de l'environnement, mais particulièrement en droit international de l'environnement, une espèce de porosité entre le droit mou et le droit dur, une espèce aussi de phénomène de déformalisation finalement du droit international. Alors, c'est assez classique. Ici, c'est accentué par le fait que finalement, dès l'abord, on a choisi d'avoir une forme composite avec la décision COP et le traité, alors que bien souvent on a d'abord un traité dans les régimes environnementaux qui va être dans le futur complété par des décisions COP. Donc là, bien sûr, on va avoir aussi des décisions COP qui vont le compléter dans le futur, mais on a dès l'abord cette forme composite. C'est dû à divers facteurs. Donc évidemment, les exigences du droit constitutionnel américain ont joué, je le disais, mais c'est dû aussi finalement aux nécessités de l'administration internationale et d'une certaine bureaucratisation, pourrait-on dire, qui fait qu'il y a beaucoup de détails à régler, et c'est des détails qui n'ont pas forcément à figurer dans un traité. Donc j'en arrive à ma seconde partie, elle sera plus courte, je rassure notre président. Donc, une subtile combinaison entre approche ascendante et descendante. Il me reste 3 minutes. Entre approche ascendante et descendante. Donc, je vais passer rapidement et peut-être je pourrai y revenir durant les débats. Donc, ce qui est au cœur finalement de l'accord de Paris, ce sont les contributions déterminées nationalement par les États. C'est une approche qui a été actée lors de la COP de Varsovie en 2013 et qui fait que l'accord de Paris se situe quelque part entre l'accord de Copenhague et le protocole de Kyoto. Il a la forme conventionnelle du protocole de Kyoto, mais dans l'esprit et dans le contenu, il est plus proche de l'accord de Copenhague, avec cette approche donc ascendante qui signifie que c'est aux États de déterminer nationalement leur contribution nationale, et qu'il n'y a rien qui a été organisé pour étudier les contributions nationales des États. Donc, aucun droit de regard international sur ce qu'a décidé l'État. On lui demande de veiller à ce que sa contribution soit la plus ambitieuse possible, qu'elle soit la plus équitable possible, mais c'est à lui finalement de faire cet examen, de le déterminer. Donc c'est évidemment la grosse faiblesse de l'accord de Paris qui fait que, une fois qu'on a agrégé toutes les propositions des États, toutes ces contributions nationales, on n'est pas du tout placé sur la voie d'une augmentation des températures qui serait limitée bien en dessous de 2 degrés ou à 1,5 degré, mais plutôt, selon des évaluations, autour de 3 degrés, 3 degrés et demi. Donc les contributions ne sont pas dans le traité, donc c'est paradoxal puisqu'elles sont au cœur du système, mais elles ne sont pas dans le traité, elles sont dans un registre national qui est tenu par le secrétariat, qui est un registre consultable par tous, un registre web. Elles ne sont pas dans le traité, mais les États ont des obligations quand même, une fois qu'ils ont déterminé leur contribution nationale. La formule est que les parties prennent des mesures internes pour l'atténuation en vue de réaliser les objectifs des dites contributions. Alors là aussi, c'est une formule sur laquelle on pourrait vraiment discuter. C'est une formule qui n'est absolument pas claire, qui est volontairement ambiguë. À aucun moment il est dit les États mettront en œuvre leur contribution nationale, ont l'obligation de mettre en œuvre leur contribution nationale. Non, ils ont l'obligation de prendre des mesures pour l'atténuation en vue de réaliser les objectifs. Voilà. Et donc, du coup, la question qu'on peut se poser finalement, c'est, Yann disait, il faut du droit international, etc. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il faut du droit international, mais ce sont les États qui déterminent nationalement leurs contributions. Elles ne sont même pas dans le traité, elles sont dans un registre web. Donc, finalement, la question qu'on peut se poser, c'est à quoi sert l'accord ? Donc, de mon point de vue, il a au moins deux objectifs. Le premier objectif, c'est de créer une dynamique. Donc, je vais passer rapidement puisque je pense que ça va être le sujet de la contribution de Marion. Donc, créer une dynamique, c'est d'abord pousser les États à s'engager avec un contenu soft, essentiellement incitatif, je disais, dans son contenu, essentiellement procédural. La contribution nationalement déterminée au cœur, donc c'est quand même respectueux de la souveraineté nationale, ses obligations procédurales, des engagements plus souvent collectifs qu'individuels. Par exemple, l'objectif de limitation des températures, c'est un objectif qui est collectif, ou quand on dit un appui est fourni aux pays en développement parties, et on voit bien que tout ça a été bien réfléchi dans l'accord et que d'une disposition à l'autre, les formules varient. Et par ailleurs, ce qui a été aussi important pour pousser les États à s'engager, c'est une différenciation entre les obligations des pays du Nord, des pays du Sud, une différenciation qui est beaucoup plus subtile que celle que prévoyait le protocole de Kyoto, qui était vraiment binaire, avec deux catégories, les États du Nord qui prennent des engagements, les États du Sud qui n'en prennent aucun. Et là, on a une palette beaucoup plus diversifiée de catégories d'États, en particulier avec l'outil des contributions nationales, finalement, on a une espèce d'auto-différenciation qui fait qu'il y a autant de contributions nationales différentes que de parties. Donc, pousser les États à s'engager, pousser les États à relever le niveau d'ambition de leurs contributions. Donc, c'est cela que je passe, puisque Marion va en parler. Et donc, ça, c'est la première fonction. La deuxième fonction, c'est garantir la transparence des actions et des politiques menées. On a besoin d'un accord international, finalement, pour asseoir la confiance entre les États. Les amener à avoir confiance les uns dans les autres, être persuadés que s'ils font des choses, leurs voisins en font aussi. Donc ça participe à la dynamique et on a aussi besoin de suivre les efforts des uns et des autres pour finalement s'assurer, voir sur quelle trajectoire nous placent ces efforts, si c'est celle de 1,5 degré, bien en dessous de 2 degrés, ou si c'est 3 ou 4 degrés. Donc d'où l'importance finalement du volet transparence, contrôle, bilan mondial, qui devient presque la raison d'être de l'accord finalement. Ok, ce sont les États qui déterminent nationalement leur contribution, mais après, une fois qu'ils ont donné leur contribution, ils vont être contrôlés, on va les suivre. Et même s'il n'y a pas de sanction qui est prévue, donc au grand dam de beaucoup, il n'y a pas de sanction qui est prévue, mais encore une fois, c'est un mécanisme qui est plutôt incitatif que contraignant. On se souvient que dans le protocole de Kyoto, il y avait des sanctions, mais que finalement, c'est ce qui a pu amener le Canada, par exemple, à sortir de... Je regarde mon voisin, qui n'en est pas responsable. ça a pu amener le Canada, finalement, à sortir du protocole. Donc on s'est rendu compte qu'un accord avec des sanctions fortes, ça faisait plaisir, mais c'était pas forcément ça qui le rendait très effectif. Donc je pense que l'accord de Paris, il est vraiment dans une logique qui est tout à fait différente. Donc pour conclure, je voudrais citer Serge Sûr qui nous dit que l'analyse positive du droit international montre que ses fondements n'ont guère évolué, que l'engagement international de l'État en est toujours la base et l'action des États le cœur. Donc je pense que c'est incontestable, mais en même temps, on voit avec l'accord de Paris que la forme de l'engagement international, finalement, elle évolue dans le temps, elle évolue dans le sens d'un assouplissement, probablement, mais aussi d'un raffinement. Et donc c'est vraiment une réflexion poussée sur cette forme de l'engagement de l'État qui a favorisé l'adoption de l'accord et son entrée en vigueur rapide qui, finalement, a favorisé le succès. S'il n'y a pas de sanctions possibles à l'échelle internationale pour un État qui ne respecterait pas l'accord de Paris, il peut y avoir des sanctions potentiellement à l'échelle nationale, et là je vais ouvrir vers d'autres communications, en particulier l'existence de l'accord de Paris peut favoriser, fournir des arguments pour le développement de contentieux climatiques à l'échelle nationale. Voilà, merci beaucoup.